le moment de la chronique d'Emeric Lomprey. Ouais. Bonjour à tous, vous allez bien? J'ai rien entendu. Bon, vous devez deviner qui je suis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho, mucho, bueno, bueno, bueno, vale, vale, vale, vale. Non, ça va pas. Emeric Lomprey. Oui, c'est pas facile. Bon, allez, c'est parti pour l'actualité. L'actualité, elle attend pas. L'actualité, c'est pas quelqu'un qui serait dans la file d'attente pour assister à l'émission Touche pas à mon poste et qui serait là. Il y a envie de manger des ongles. Bon, allez. Alors, bon, au début, je voulais faire une chronique qui tire à boulet rouge sur Teddy Riner parce que je trouve qu'il est bien proche de Macron et ça m'énerve parce qu'il pourrait utiliser ses capacités pour lui faire un hippon et bien l'humilier. Mais j'ai décidé de ne pas faire de chronique qui tire à boulet rouge sur Teddy Riner parce qu'il pourrait utiliser ses capacités pour me faire un hippon et bien m'humilier. Donc, Caroline Forest. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Caro, elle est journaliste. Oh, à Franc-Tireur. Ah. L'ascenseur émotionnel. Je suis professeur. Oh, à HEC. Ah. Je suis chroniqueur radio. Oh, sur Nova. Ah. Fin de mois difficile. Je suis en couple. Oh, avec Véronique Jeunesse. Ah. Tout le mois difficile. Je vais en vacances. Oh, au Havre. Ah. J'ai envie d'en faire plein. Allez, l'info n'attend pas. L'info. Franc-Tireur, c'est un journal où dedans, il y a Christophe Barbier et Raphaël Enthoven. Pareil, ascenseur, journal, Barbier. Bon, alors, je crois qu'on ne peut pas mieux définir un journal en disant que dedans, il y a Barbier et Enthoven, quoi. C'est, mais souvent, quand on ne sait pas expliquer les trucs, il faut juste dire ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est quoi le Sénat? Il y a Gérard Larcher dedans. Ah. C'est quoi Mystère à Saint-Tropez? Il y a Christian Clavier dedans. Ah. C'est où Neuville-en-Ferrin? Il y a Lex d'Emeric dedans. Ça doit sentir le lait caillé. Allez, l'info. Alors... Bon, je l'avais rajouté. Bon. Parce que j'écris avec Pierre, mais parfois je fais des surprises. Alors, bon. Caro, elle a sorti un livre, ça s'appelle Le Vertige Me Too. Gaza, ouin ouin. Non, alors. Ça aussi, j'ai rajouté. Alors. Bon, je l'ai lu le livre. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas lu. Déjà, je lis pas de livre, j'ai pas commencé par celui de Caroline de Forest, quoi. Autant faire une randonnée avec Fabrice Lucchini. Ta gueule ! Bon. Non, mais en gros, c'est un livre qui dit que MeToo est allé trop loin. Voilà une accroche qui donne envie de lire le livre, hein ? 1942, est-il vraiment nécessaire de faire sauter les ponts ? Mais c'est pas si grave. C'est pas si grave si je l'ai pas lu. Parce qu'en fait, l'inconvénient avec Caroline de Forest, c'est parce que t'es pas obligé de la lire pour l'entendre. Elle était partout dans les médias. Elle a fait 983 émissions de promo pour son bouquin. Ça va les médias? Ça va? Super de l'inviter en plein procès Pellico. Bien le sens du timing. Bien. Crise du Covid? Nous invitons un pangolin. Et en plus, c'est 983 missions pour parler de caca. Vraiment, c'est... Elle trouve, Caro, qu'il y aurait des excès dans MeToo, voilà, qu'il y aurait des femmes mal intentionnées qui voudraient nuire à des hommes. Genre... Ça me fait rire que moi. Mais genre... Non, mais genre des femmes qui seraient là... Tiens, j'ai du temps libre aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ah, et si j'allais parler à la police, qui va sûrement pas me croire, et porter plainte contre quelqu'un qui aura 90% de chance de s'en sortir? Allez hop, j'enfile une jupe pour être sûr de me faire siffler dans la rue, et go pour passer une bonne journée. 90% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Et Forest, elle sort un livre « Attention aux plaintes frauduleuses !» Putain, mais meurs... Non, va vivre en Allemagne. Non, pire, mange du fenouil. Non, pire, vis avec un chat strasbourgeois. Non, pire. Putain, j'ai envie d'en faire plein. Mais ma chronique est terminée. Merci d'avoir écouté.